c'est pas ce que tu crois. Si tu sens monter le doute, tu sais, t'as pas à douter de moi. Ce n'est que le début, n'imagine rien de plus, ce n'est pas encore la fin. Jamais.